Iceberg. Iceberg. C'est le déclic, tout le monde panique, Titanic, premier accrochage, fric, flic, le vice, c'est sa technique, ça flambe les statistiques, 15%, ça va aussi vite qu'un cheval pur sang, c'est inverser le sang à les pucelles, ça prend gosse comment se servir d'une ficelle sur un coup, placer les mains sur le black afin que sa nuque se brise d'un coup, le traîner derrière une voiture, le regarder droit d'une voiture, viseur pour ne pas rater sa prise, là où nous coulons les pieds est une banquise, SOS radio pour les secours, coordonnées d'Afrique, cher terre quand y'a plus de crise, pas de place assise. Menottes, cordes, jambes prises, on plante comme Charles Lindbergh. Ségrégation, apartheid, chez Johnny Clegg, Mandela subit loin des Soweto. Les barreaux, horizon verticaux, capote, l'iceberg. Ça avance, écrase tout sur son chemin, telle une vague. Ça progresse jusqu'à atteindre les coordonnées de Prague. C'est pas une blague, ça a écoulé Luther King. Mandela lutte derrière les barreaux. Ça progresse avec cet impérialisme et que combattent les idées de Guevara, Kadhafi ou encore Castro. C'est armer les hommes pour en anéantir Malcolm Little et Robert Kennedy. Ça a marché depuis Seattle jusqu'au pays de Nehru et de Gandhi, cette folie que l'homme grandit. Stand up for your right, Bob Marley l'a dit. Marcus Garvey, libérateur. Les trois cas massacres, les panthères sont arrêtés par les hommes, le dit Edgar Hoover. Les précurseurs sont couverts comme à Paris. Ça montait pour l'instant, ça gagne le pari. En faisant des clandestins, causant des guerres civiles comme chez les Croates et les Serbes. Ça a la forme, le front est sous l'air. Ça avance et nous sommes tous aveugles. Iceberg, un, deux, iceberg, un, deux, iceberg. En français, le FN, aux têtes, le Cucus Clan. J't'assure, le Cucus Clean devant. Mon porte à coup sûr, c'est la bataille. Les gens se fichent, progressent ses idéaux. Au Rwanda, génocide programmé, comme un rodéo. Des cris des mômes, à eux s'appliquent pas les droits de l'homme, juste le droit du repos de l'âme. La vie d'un homme noir se joue comme un personnage dans une vidéo. Une vie déjà haut, plus bas, depuis les actes répétés tels l'esclavagisme, la colonisation. Une pseudo-abolition pour calmer les esprits. Des magouilles politiques, scientifiques, pour décimer un peuple dans les ghettos. On introduit l'alcool, le shit, le crack, pour mieux contrôler le flux du cerveau noir. Blasphème à la mémoire des frères, morts pour le combat de ses idéaux. Martin a lutté, on sait qu'il a fait buter. Malcolm, pour ma descendance et moi, ne sera jamais Monsieur X. En France, la politique de division pour mieux régner s'applique. Les Arabes, les Noirs, déchirent, pour le compte de qui? Mustapha n'aime pas Mamadou, Mamadou n'aime pas Mustapha. Des actes de barbarie, tout ça me rappelle. Je serai plus de plus que cher, qui profite cette furie. Cette furie, engraine ma fureur. De vaincre l'image du nègre avec sa bière, son bleu d'eau. À la main devant les escaliers de Châtelet, Chasselet, facho, de vitre le pôle noir. Pour les 15%, ça sera 100%. Œil pour œil, dent pour dent. Avertissement de Ross, le nec pur sang. Iceberg, iceberg, il arrive sur nous, aussi sournois qu'un sort vaudou. Mais j'aimerais pouvoir le stopper comme Batman avec Mr. Freeze ou Goku et Freezer. Son ami c'est tous des couleurs, hommes de couleur, killer, qui avance comme un glacier du temps de dinosaures. Nega, faut qu'on stresse, qu'on bâtisse une forteresse. Et si l'on veut que je sois le chef, je le serai pour le fief. Rompre la glace sur cette basse, les détruire comme fait le Hamas. Pour ma race, MP fracasse. Le rock avance, reste sceptique, c'est ta conscience. Mais quand il aura ton bloc, ce sera trop tard pour ton pare-choc. Sors la main par la fenêtre, est-ce normal que tu te les peines? Sois de la race des lutteurs, comme Mandela a été au tapis. Le combat fut repris par Martin Luther. Donc lutte, jamais ne bute, et si c'est le cas à la tapion, je de la flûte, faut pas qu'on se taise, ça ne fera qu'accentuer le malaise. Donc si on te demande par hasard qui je suis, dealer, va des rétro, c'est le mena. Le monstre ennemi des noms afrocentriques à iceberg. Iceberg. Iceberg. Ça avance et terrifie la population comme la police, comme la ça déchire police. Cette soi-disant fraternité avec la force de l'hélice. Si j'étais touriste à Vitrolles, j'aurais sûrement écourté mon séjour avec rage. Ce phénomène déteste les couleurs et préfère les voir en cage. Chez Pétain, on n'a toujours pas tourné la page. Depuis qu'Adolphe est arrivé comme Nicholson dans Wolf, ça râle comme Jean-Pierre Coff et refuse de serrer la main à un athlète. Ça met les RG devant mes baskets. Je me tiens la tête sachant que ça a survécu aux différentes révolutions. C'était le sujet de la campagne, mais ça ne l'est plus après l'insurrection. Ça continue à gagner son chemin. Il n'y a plus d'Altonien. Tout le monde ouvre l'œil pour mieux apercevoir celui qu'on appelle nègre. Iceberg. Iceberg.